deuxième temps de notre série sur l'histoire des métiers. Ce matin, émission d'archives sur les métiers donc manuels et leur histoire. Hier, nous avons abordé avec l'historien François Jarige les résistances à la technique et les transformations des métiers au 19e et au 20e siècle. Demain, nous nous intéresserons à la naissance des métiers de bureau. Jeudi, avec le documentaire d'Amélie Meffre et de Marie-Laure Ciboulet, nous aborderons le métier de typographe et son histoire. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux métiers manuels et à la tentative en particulier au début de la crise des années 1970 de les revaloriser. Nous le ferons avec Amélie Meffre qui recevra avec moi Sylvain Laurence, il est maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, et Stéphane Lambray, il est maître de conférence à l'école supérieure professionnelle du professorat et de l'éducation, l'ESPE de Lille, nord de France. Tous les deux ont travaillé sur cette question des métiers techniques et des métiers manuels. A, à la chaîne, tout s'enchaîne sur un tempo violent. A, à la chaîne, tout se déchaîne en un balai suant. A, à la chaîne, les objets partent et reviennent sur un rythme branlant. La chaîne, tes doigts peinent sur ces montages savants. Ton œil glisse souvent vers la pendule, mais ces aiguilles molles font que le temps recule. À chaque objet fini, tu te sens sali. C'est donc ça la vie, au rythme roulant du tapis. Serait-ce tes illusions qui glissent petit à petit pour s'envoler au bout quand la chaîne est finie. La chaîne, ambiance malsaine comme dans un enterrement. Ah, la chaîne, la mise en scène manque de sentiment. À la pause déjeuner, tu écoutes tes compagnes qui parlent de malheur ou racontent des blagues. Bien sûr tu aimes, tu craques sur le nouveau contremaître, mais tu ne le connais pas, est-il si bien que ça? Tu l'aimais bien aussi, le livreur de métaux, il s'est vite envolé en te laissant un petit marmot. À la chaîne, un titre de François Hadji Lazaro pour ouvrir cette émission consacrée aux heures et aux malheurs des métiers manuels. Avec vous, Amélie Meffre, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Stéphane Lambray, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Sylvain Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, ces métiers manuels, on les distingue des autres types de métiers depuis quand exactement, Sylvain Lambray, Stéphane Lambray? Voilà, la réponse est pas évidente, hein, parce que le 19e siècle est un siècle de bouleversement à cet égard, et avec la question de la division du travail, l'éclatement du travail, selon certains, ces métiers vont être accusés ou être évoqués sous l'angle de la crise des métiers, de la crise de l'apprentissage. Et donc on peut dire qu'il y a différents points de départ que l'on pourrait repérer. Par exemple, un des points de départ que l'on peut repérer, c'est l'inclusion du travail manuel à l'école primaire, à la fin du 19e siècle. Mais il y a d'autres points de départ, ça peut être l'enseignement technique. Oui, c'est-à-dire que cette séparation que l'on critique toujours dans la formation française entre métier manuel d'un côté et métier d'un autre type qu'on n'appelle pas métier intellectuel, elle existe depuis longtemps ou est-ce qu'elle est concomitante, pourrait-on dire, du développement de l'école obligatoire au 19e siècle? Disons que, en tout cas, l'école obligatoire va faire apparaître ou rendre évidente cette distinction en faisant apparaître dans les programmes ce travail manuel. En 1882, au moment des lois Ferry, le travail manuel est inclus pour les garçons et la couture pour les filles, donc l'enseignement ménager, dans des programmes qui, par ailleurs, sont mixtes et s'appliquent de la même façon aux garçons et aux filles, sauf sur ce point, sur le travail manuel. Et donc c'est bien déjà, au même moment, en 1880, création des écoles manuelles d'apprentissage, il y a bien cette idée-là, cette séquence d'apparition du travail manuel. Amélie Meffre. Et on est aussi dans une période où la question du travail émerge, hein, avec à la fin du 19e, la création de l'Office national, l'Office du travail, en 1891, plus tard le ministère dédié au travail en 1906. Ça aussi, je pense que c'est lié. Est-ce qu'on a déjà peur à ce moment-là, à la fin du 19e, d'une dévalorisation du travail manuel? Alors, on la constate de mieux en mieux, effectivement, avec une institutionnalisation de ces administrations du travail que vous évoquez. Mais il faut se dire aussi que cette crise de l'apprentissage, elle est évoquée depuis longtemps, à travers tout le 19e siècle. Hein, depuis la Révolution française, avec la fin, entre guillemets, des corporations, on commence déjà à regretter ces corporations qui auraient assuré un apprentissage. Alors, évidemment, on est là sur un discours nostalgique qui, souvent, déforme un petit peu les réalités de cet apprentissage sous l'ancien régime, mais donc finalement à travers tout le 19e siècle, il y a cette idée d'une dégradation de l'apprentissage. Et à travers cette dégradation, l'autre face, c'est l'apparition de ce travail manuel et l'insistance sur l'acquisition du métier et les difficultés de cette acquisition. Et dans ces cours, justement, en particulier à l'école primaire, on peut voir tout de même que le travail manuel est allié à d'autres disciplines. C'était aussi allié aux mathématiques, par exemple, à la question du dessin. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi l'idée de composer entre manuel et autres types de disciplines pour pouvoir ne pas mettre les métiers manuels simplement dans un coin. Et c'est aussi des métiers qui nécessitent de réfléchir, de dessiner, de penser. Il y a plusieurs conceptions en fait de ce travail manuel. Une fois, quand il faut le mettre en application dans l'école primaire, après les programmes de 1882, eh bien, vont s'affronter peut-être une version du travail manuel un petit peu isolée à l'école, préparant véritablement déjà à une habileté manuelle et donc à une polyvalence qui peut déboucher sur l'entrée sur le marché du travail. Et puis une version effectivement défendue par d'autres, notamment l'inspecteur général Leblanc, qui lui veut faire un lien avec la géométrie, avec le dessin, avec les mathématiques, effectivement, qui considèrent que c'est éducatif, ces travaux manuels. Mais ce n'est pas la seule version, il y a des versions un petit peu en concurrence. Vous voulez dire qu'il y a des concurrences selon les positions politiques, selon la vision de la société que l'on veut défendre, selon si on est plutôt plus à gauche et plus radical ou plus socialiste, ou si l'on est plutôt d'un autre bord politique? Oui, il peut y avoir des conceptions politiques, il y a aussi des parcours des responsables au sein du ministère de l'Instruction publique, et puis il ne faut pas oublier, c'est la même chose pour l'enseignement technique qui est aussi en plein essor à la fin du 19e siècle, il y a deux administrations qui se font concurrence, il y a l'instruction publique d'un côté, il y a le ministère du Commerce et de l'Industrie de l'autre, et les deux n'ont pas la même conception de comment on peut former des ouvriers. Pour les uns, effectivement, c'est le marché du travail qui doit primer, pour les autres, c'est éducatif avant tout. Alors on sait que la Troisième République est assez importante en termes de loi sociale jusqu'à la Première Guerre mondiale, et c'est avant la Première Guerre mondiale qu'on commence à imaginer des parcours non pas différenciés, mais des sortes de récompenses qui seraient des pendants aux récompenses traditionnelles dans l'école, qui seraient les récompenses liées justement à la qualité du travail manuel que l'on peut avoir exercé, en particulier avec la naissance progressive de cette idée d'un meilleur ouvrier de France dans chacune des disciplines. Oui, la question des décorations, des récompenses scolaires est une question ancienne, dès le 19e siècle, c'est très important. Mais au moment où va se développer ce travail manuel et où va se développer aussi cet enseignement technique, on se soucie aussi de trouver des formes de récompenses qui sont plus adaptées, croit-on en tout cas, à ces ouvriers, ou à ceux que l'on veut, dont on veut faire des ouvriers. Et donc ça peut être des récompenses qui, au lieu de passer par un livret de caisse d'épargne, vont plutôt être une caisse d'outils, par exemple. Oui. Mais on sent aussi à travers cette promotion d'une excellence manuelle et ses concours et ses toutes ces récompenses qu'on met aussi l'accent, on essaye de valoriser l'enseignement technique. Oui, clairement. Alors avant la Première Guerre mondiale, on essaye et on a du mal. Les autorités, le gouvernement, les parlementaires cherchent une loi pour l'enseignement technique. Ils ont énormément de mal à la faire voter. Et en fait, la Première Guerre mondiale va faire basculer un petit peu les choses. Et en 1919 est votée la loi Astier, il y a un siècle exactement. Elle est d'ailleurs l'objet d'un colloque qui commence cet après-midi sur les jeunes et le travail à Lyon. Auquel je me rends juste après cette émission. Et effectivement, avec cette loi Astier, eh bien, on va commencer à mettre un petit peu d'ordre dans plein d'institutions qui existent depuis le 19e siècle pour la formation technique. Et quelques années après, apparaît un concours, pour reprendre cette question du concours, qui est celui des meilleurs ouvriers de France. On peut voir que cette forme de coïncidence chronologique n'est pas tout à fait anodine. Nous sommes donc en 2017, le 9 mars 2017, et on peut écouter un feuilleton sur les 4 meilleurs apprentis, justement, de Normandie. Les apprentis ? C'est bon, des accompagnants avec carton. À l'intérieur du grand amphithéâtre, Nous retrouvons le proviseur du lycée Napoléon. Il est aux premières loges. C'est une reconnaissance de ce qui est des métiers de l'artisanat. Et je pense que les unir au milieu, comme cela, au sein de la Sorbonne, c'est, oui, c'est une promotion et un bel affichage. Cette 15e cérémonie du MAF a été organisée par 400 meilleurs ouvriers de France et placée sous le patronage du ministère du Travail. Bien évidemment, vos maîtres d'apprentissage, vos familles sont fiers de vous. Mais en tant que ministre, au nom du gouvernement, je veux vous dire ici très sincèrement que nous sommes particulièrement fiers de vous. 98 métiers sont représentés, coiffeur, prothésiste dentaire, bottier, barman ou encore marin-pêcheur. Vient enfin le tour de la Normandie, avec 18 médaillés d'or. Sculpteur ornementaliste sur bois, Madame Juliette Sago, lycée Napoléon de l'Aigle. Alors Stéphane Lambray, quand on entend cette cérémonie de 2017 des meilleurs ouvriers de France, on s'aperçoit que c'est une remise en Sorbonne, donc on veut hisser justement ces ouvriers au niveau des plus grandes professions intellectuelles, pourrait-on dire, et surtout on veut étendre la méritocratie à l'école, à la sphère du travail justement. Oui, effectivement. Alors c'est une idée qui traverse le XXe siècle avec cette institution, notamment des meilleurs ouvriers de France. Hein. La première édition, c'est 1924, donc elle est bientôt centenaire. Et effectivement, il y a cette volonté de dégager une élite du travail. Une élite du travail avec tout ce que ça peut avoir d'un petit peu ambigu, parce qu'on l'a entendu dans l'extrait qui est très intéressant. On parle d'artisanat, on parle d'apprentis, mais ça s'appelle les meilleurs ouvriers de France au début. Alors de quels ouvriers parle-t-on? Qu'est-ce qu'un ouvrier, effectivement? Voilà, effectivement. Et quand on regarde dans les archives, c'est pas si évident que ça de savoir de qui on parle. En réalité, ce que l'on met en évidence, c'est la réalisation d'une œuvre, c'est-à-dire le sens premier peut-être d'ouvrier, beaucoup plus que la situation, la situation sociale, la condition d'ouvrier, c'est bien la capacité à réaliser une œuvre. C'est le modèle du compagnonnage, en fait. Exactement. Et c'est cette volonté, peut-être presque déjà un petit peu anachronique dans les années 20, hein, de faire référence à des expositions. Alors on a toutes les expositions universelles avant la Première Guerre mondiale. Là, on relance ce modèle de l'exposition avec cette idée que ça peut permettre de valoriser quelque chose, le travail manuel, qui est peut-être concurrencé, en perte de vitesse, par rapport à des métiers qui s'appuient sur les machines. Amélie Meff. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir Albert Lebrun, en juin 24, je crois, qui sur un projet d'exposition du travail, fait un parallèle entre les salons artistiques et puis les expositions du travail, en montrant que voilà, il y a un prestige aussi dans le travail manuel, comme il peut y avoir un prestige dans le travail artistique. Et en même temps, ça paraît assez contradictoire, parce que on promeut surtout l'ouvrier sérieux, travailleur, méritant, j'ose dire. Son originalité, elle n'est pas vraiment mise en avant, si. C'est pas évident, on est dans une logique de concours qui, effectivement, vous avez tout à fait raison, renvoie à la fois à la tradition du salon académique, elle renvoie aussi à une logique scolaire. On est dans l'idée de dégager, effectivement, le bon élève, d'une certaine manière. Néanmoins, avec la concurrence, est-ce qu'on fait référence à un salon académique où on célèbre le génie, ou est-ce qu'on célèbre plutôt, effectivement, une méritocratie fondée sur du sérieux, etc. C'est pas si évident que ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que d'emblée, dans la naissance de ce projet d'exposition du travail pendant lesquelles on décerne ces titres de meilleurs ouvriers de France, il y a l'idée d'une remise en Sorbonne par le président de la République. Il faut voir que tous les ministères à l'époque soutiennent cette initiative d'exposition nationale du travail. Et puis, il faut dire aussi que ça rentre peut-être après la Première Guerre mondiale dans la crainte d'une dévalorisation du travail. Le pays a été saigné à blanc par cette Première Guerre mondiale. Il va falloir remettre les gens au travail. C'est souvent ce que l'on dit régulièrement après les grands conflits. Et justement, cette question-là est au centre. Est-ce que le travail est dévalorisé dans une société d'après-guerre, par exemple? C'est assez difficile comme question. Non, mais c'est dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, en tout cas, il y a la volonté de le revaloriser, ce travail manuel, parce qu'on voit bien que dans certains métiers, il est concurrencé. Il faut replacer ces expositions nationales du travail par rapport à d'autres salons. Il y en a plein à cette époque, d'autres expositions qui toutes ont cette ambition-là de distinguer un savoir-faire. Et donc toute la question-là, c'est évidemment celle de la définition des métiers qui se pose. Hein. Est-ce qu'on est sur des métiers avec une conception déqualifiée ou des métiers fondés sur un savoir-faire? Et là, il y a un partage, de toutes les classes politiques différentes de gauche à droite autour de cette valorisation des traités des métiers manuels, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt dans un type de représentation politique qui défend cette question de la revalorisation des métiers manuels? On sait que il va y avoir plus tard le Front populaire, puis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tout cela participe justement d'un débat autour de cette question des métiers manuels, Stéphane Lambret? Oui, on a des débats. Il y a quand même une forme de consensus dans les années 20. À la fin des années 20, la CGT, par exemple, est sondée pour savoir si elle soutient ses expositions, ses concours, et trouve que c'est très intéressant tout cela, alors qu'on pourrait supposer qu'elle va s'opposer à un projet gouvernemental sur ce point. Donc, il y a une forme de consensus, et en même temps, petit à petit, va se révéler quand même une forme de tension, parce qu'on voit bien que ces expositions, la composition des jurys, par exemple, le dit très bien, on est sur des instituts, sur un concours qui est contrôlé par les organisations professionnelles et par le ministère de l'Instruction publique puis de l'Éducation nationale. Amélie Maffay. Oui, justement, sur les jurys. Enfin, on voit qu'il y a une logique paternaliste, quand oui. même. Hein, voilà. Avec les chambres syndicales patronales qui sont vraiment complètement impliquées. Et est-ce qu'on a du mal à recruter les candidats ouvriers? Oui, et dès le début, ça va être une difficulté importante parce que, alors en fait, il faut imaginer tout un dispositif qui est territorialisé, c'est-à-dire qu'on recrute au niveau départemental des candidats, sauf qu'ils se bousculent pas parce qu'il faut passer du temps à réaliser une œuvre gratuitement parce qu'elle va pas être rémunérée, cette œuvre, le plus souvent. Ça nécessite du matériau aussi, très souvent, dans les différentes spécialités qui peuvent être concurrencées. Et donc l'idée, c'est aussi de récompenser un petit peu le maximum des candidats. Hein. Dès 1924, on a 150 lauréats quand même, ce qui est quasiment les trois quarts des candidats à l'époque. Oui, donc dans plusieurs catégories déjà. Oui, alors déjà. On a augmenté, j'imagine, toutes les catégories au fur et à mesure du siècle, du XXe siècle. Oui, en 1927, il y a 103 spécialités hein, pour la deuxième exposition nationale du travail, et ça va aller crescendo de ce point de vue. Hein, on va avoir plusieurs centaines de spécialités, même si la volonté d'essayer d'ordonner un petit peu tous ces métiers pour s'y repérer. Cette question de valoriser, revaloriser un travail qui aurait été dévalorisé, les travaux manuels et les métiers manuels, on a l'impression que c'est une sorte de rejet de Sisyphe tout au long du XXe siècle. On va toujours se dire, ben, pourquoi la France ne pratique-t-elle pas les apprentissages comme d'autres pays européens? On voit bien que la concurrence est à l'œuvre tout le temps, Stéphane Lambret, et on n'a pas l'impression d'en sortir. On va venir maintenant avec notre autre invité de ce matin, Sylvain Laurence, à la question des années 70 et de la crise des années 70 qui voit cristalliser justement ces questions de la dévalorisation du travail manuel. Mais est-ce que ça court tout au long du siècle et il n'y a jamais de moment où on se dit tout compte fait, c'est bien de faire un travail manuel, c'est valorisé et on ne se pose pas la question de la dévalorisation? Il y a l'idée d'une forme de continuité du discours, alors qu'il ne doit pas non plus être trompeuse, hein, c'est-à-dire que les termes changent, les manières de répondre à ce constat d'une difficulté à valoriser le travail manuel peuvent être évolutifs. Il y a quand même des périodes où on insiste davantage là-dessus, hein. On peut penser à la période de Vichy, hein, où le gouvernement de Vichy tente ou veut absolument restaurer les corporations, revaloriser le travail manuel, et pour cela va choisir par exemple de réserver à l'État le monopole des diplômes professionnels. Ce qui n'était pas le cas auparavant et qui va avoir une longue pérennité. Donc ça fait partie des mesures, par exemple, qui montrent bien quand même qu'il y a des changements tout au long de cette période. Cette période, et qu'elle n'est pas faite que de continuité. Nous allons y venir dans un instant avec Sylvain Laurence. Donc une archive de décembre 1975, la crise pétrolière est passée par là. On s'installe tranquillement, ou pas tranquillement d'ailleurs, dans une crise qui va durer assez longtemps. Et on se pose la question justement de supprimer les barrières entre les métiers manuels et les autres métiers. Je voudrais justement demander à un FI et aux trois personnes qui veulent dialoguer avec nous ce qu'ils pensent, quelle est leur première réaction lorsqu'on leur dit il faut modifier, il faut révaloriser, rendre une meilleure valeur au travail manuel. Quelles sont vos premières motivations, vos premiers désirs, messieurs? En point de vue salaire... Je crois que pour les métiers pénibles, par exemple, il y a une revalorisation à faire, je crois. C'est d'abord un problème de salaire pour vous? Oui, oui. C'est pas un problème de... Pour les métiers pénibles, quoi, il y a une revalorisation à tout prix à faire, mon point de vue. Et pour vous, monsieur? Je pense qu'il peut y avoir également un intéressement à la tâche, un intéressement au travail, peut-être plus qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Intéressement de quelle façon? Élargissement dans les tâches, c'est-à-dire prendre... par un groupe d'ouvriers, qu'un groupe d'ouvriers prenne un problème de fabrication, par exemple. Lionel Stelerus, c'est votre avis? Tout d'abord, on va parler du problème d'argent qui était un élément important, mais je crois qu'il y a une erreur à éviter, c'est en ayant le souci de bien faire, de faire en France une catégorie de plus qui est la catégorie des travailleurs manuels. Au contraire, je crois que l'idée générale qui doit nous guider, c'est de supprimer les barrières qui se sont créées entre les travailleurs manuels et les autres. Donc tout ce qui doit être fait, c'est doit consister à rapprocher ce groupe de l'ensemble de la société française pour qu'il y ait une insertion normale, homogène et facile. Voilà, au micro de Jean-Marie Cavada, Lionel Stoléru, en 1975, un des acteurs de ce que vous avez appelé, Sylvain Laurence, une politisation feutrée, les hauts fonctionnaires et l'immigration en France. Qui est ce Lionel Stoléru dont on va parler beaucoup pendant cette deuxième partie d'émission avec vous, Sylvain Laurence? Qui est-il et quelle est son importance dans ce dispositif autour de la revalorisation des métiers manuels? Alors, Lionel Stoléru, c'est un haut fonctionnaire, donc polytechnicien, qui est à 37 ans, on est en plein giscardisme triomphant, va accéder à un poste de secrétaire d'État à la condition des travailleurs manuels, et qui donc n'a jamais connu, il a un moment finalement de passage par le scrutin législatif, n'a pas été député, mais qui vraiment incarne le giscardisme. La modernité. Voilà, une espèce de nouvelle façon de faire de la politique, un petit peu, on parle directement de position, on va dire, technocratique, à des positions de prise en main des problèmes publics. Sauf avant que... de devenir secrétaire d'État, il est passé par l'Élysée tout de même. Alors, il a été conseiller aux affaires économiques en 1975. Et avant ça, il a fait un doctorat d'économie. Il a organisé des rencontres autour de l'économie et l'humanisme à l'UNESCO. Enfin, il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Vaincre la pauvreté dans les pays riches », qui est une forme de tentative d'importation des solutions américaines en matière de prise en charge de la pauvreté dans les pays développés. Et il se trouve que ce haut fonctionnaire, donc, son premier poste d'homme politique, de secrétaire d'État, c'est à la condition des travailleurs manuels. Voilà. En janvier 1976, et il a une particularité aussi, on est dans cette démocratie avancée telle que voulait la pratiquer donc Valéry Giscard d'Estaing, nouvellement élu président de la République. Et la particularité, c'est de s'entourer non seulement de technocrates, il a un énarque dans son cabinet, mais il a aussi autour de lui des syndicalistes et des syndicalistes qui viennent d'un syndicat particulier, la CFDT. Donc il est théoriquement un homme de droite, il ne veut pas dire qu'il est un homme de droite, il n'a pas de parti, pourrait-on dire, c'est comme ça qu'il se présente en tous les cas. Et par ailleurs, donc il s'entoure de gens qui viennent de la gauche et en particulier de la gauche autogestionnaire. Oui, alors c'était quelque chose qu'on sent monter déjà à l'époque de Chaban-Delmas avec ce conseiller d'affaires sociales qui était Jacques Delors. Et donc l'époque beaucoup... de la nouvelle société, voilà, quand Chaban-Delmas était le premier ministre de Georges Pompidou. Voilà, et beaucoup d'acteurs qu'on va retrouver sous Stoléru en fait ont commencé finalement à travailler sur les questions de formation professionnelle sous Chaban-Delmas. Et donc effectivement, c'est un peu une première sous la Ve République, c'est-à-dire que dans le cabinet de Lionel Stoléru, au moment où il va lancer ce secrétariat d'État aux travailleurs manuels, on va retrouver essentiellement des syndicats, des gens qui sortent de la production, hein, donc ça peut être le cas d'Hubert Maigrat qui va être son directeur de cabinet alors qu'il était auparavant responsable CFDT à l'usine de Peugeot à Mulhouse. Il y a aussi André Burgos, alors lui qui est un énarque mais qui est fils de plâtrier, qui a un parcours un petit peu particulier en termes de, voilà, des origines populaires mais aussi un intérêt assez ancien pour les questions de formation professionnelle, et puis d'autres syndicats qui viennent de DF ou d'autres syndicalistes qui viennent d'autres entreprises. Et donc le principe, c'est d'afficher le fait que même si on est en plein giscardisme triomphant, il y a une attention accordée à la question ouvrière et notamment aux travailleurs manuels. Oui, il y a toute une opération de communication autour justement de ces conseillers là qui viennent des usines comme Hubert Maigrat. On met en avant qu'on est plus proche de la classe ouvrière qu'on y paraît, quoi. Alors le principe, c'est qu'on va mettre en circulation une nouvelle catégorie qui est donc pas si nouvelle, hein, le travailleur manuel, qu'il va falloir revaloriser, mais qui permet de faire de remplir un double objectif, un objectif à la fois économique. Donc c'est l'idée que on va avoir une approche segmentée du marché du travail. On s'est rendu compte que le chômage augmente. Comme on passe la barre du million de chômeurs à ce moment-là. Voilà, et que donc il va falloir ramener vers sans doute certains emplois ouvriers une partie des travailleurs français qui se trouvent au chômage. Donc là, il y a un peu une double face à cette politique qui va s'affirmer de plus en plus fortement sous le mandat de Giscard, qui est d'un côté, on va revaloriser le travail en usine, et de l'autre côté, organiser des retours de travailleurs étrangers dans leur pays d'origine. Oui, parce que le pendant, effectivement, ce sont les lois Stoléru, justement, sur le droit ou la loi du retour. Donc, on paye des travailleurs qui sont venus pendant les 30 Glorieuses pour travailler dans les usines en France, pour qu'ils repartent en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Donc, en disant, on va réserver le travail au principal du travail, pourrait-on dire, à l'époque, c'est-à-dire aux ouvriers, qui concernent les grandes masses de travailleurs dans les usines en particulier. Et on va aussi, en même temps qu'on marginalise le travail des immigrés, on va marginaliser le travail des femmes et le travail des jeunes aussi. En voilà, donc il y a l'idée de dire qu'avec l'après-retraite, on va sortir les ouvriers les plus âgés. En valorisant éventuellement des études un peu plus longues, on va sortir des jeunes du marché du travail. Et surtout, on va effectivement sortir du marché du travail national les travailleurs étrangers. Et là, les Giscardiens, en fait, se sont heurtés depuis 1974. On a officiellement arrêté l'introduction de nouveaux travailleurs étrangers. Mais on a de suite enregistré un phénomène économique qui était prévisible, qui est une non-substituabilité des travailleurs français et des travailleurs étrangers. C'est-à-dire on ne peut pas remplacer les travailleurs qu'on ne veut plus par des travailleurs qui ne veulent plus faire ces travaux. On a fermé l'immigration, mais le chômage continue d'augmenter. Pourquoi ? Parce que les emplois laissés vacants dans les usines ne sont pas forcément pris par les travailleurs français. Donc l'idée de Stoléru, c'est on revalorise le travail manuel, comme ça les emplois en usine pourront de nouveau être occupés par des Français. Amélie Maffre. Ça veut dire que c'est dès le départ qu'on fait la promotion du travail manuel et que c'est pensé en lien avec l'immigration ? Alors, c'est pas dès le départ dans le sens où ça s'affirme surtout à partir de 76-77, parce qu'au départ, il y a Paul Dijoud, qui est donc le secrétaire d'État aux travailleurs étrangers, qui fait une politique de retour, mais aussi d'accompagnement d'une politique sociale en faveur des travailleurs étrangers. Mais à partir de la fin 76, là, par contre, c'est clairement affiché comme étant un objectif double. Et Stoléru est à la fois le secrétaire d'État aux travailleurs manuel et secrétaire d'État aux travailleurs émigrés. Oui, et il y a un autre objectif à cette politique-là. Expliquez-vous dans votre travail, Sylvain Laurence. Il y a un objectif économique. Il faut remplacer donc ces travailleurs perdus, pourrait-on dire, de l'industrie par des travailleurs qui accepteront d'y venir, alors que ça n'était pas le cas auparavant. Et puis, il y a aussi un objectif politique. Les ouvriers, traditionnellement, sont plutôt représentés par le Parti communiste français, qui a lui-même changé un peu, tourné kazakh au début des années 70, et s'intéresse un peu moins aux ouvriers. Vous parlez même de désouvriarisation du Parti communiste français dans ces années-là, justement. Alors oui, donc ça renvoie aussi à un article que j'ai écrit avec mon collègue Julien Michy, qui a travaillé plus spécifiquement sur l'histoire du Parti communiste français, notamment dans son livre Le communisme désarmé. Et en fait, il y a une conjonction, en fait, effectivement, à la fois économique, mais aussi politique, car les Giscardiens commandent énormément de sondages à cette époque-là et se rendent compte que le PCF est en train de décrocher dans une partie des mondes ouvriers. C'est-à-dire, autant il a une espèce de noyau captif dans lequel il continue d'avoir une forte influence, autant dans les franges d'encadrement qui se rapprochent plutôt des classes moyennes dans leur style de vie, ou dans les nouveaux entrants sur le marché du travail industriel, donc qui sont les jeunes, les femmes, etc., le PCF a moins d'emprise. Et donc l'idée des Giscardiens, c'est de dire, à travers la catégorie de travailleurs manuels, on met ensemble dans un même groupe, finalement, le cordonnier, le monde de la boutique qui est lié encore à l'artisanat, qui vote plutôt traditionnellement droite et Giscard, et ces nouvelles franges ouvrières qui sont moins peut-être captives des mondes communistes et des mondes syndicaux. Et si on utilise cette catégorie travailleurs manuels, on peut faire un nouvel amalgame, une espèce de composite, où on va retrouver tous ceux qui travaillent avec leurs mains, entre guillemets, à la fois ceux qui sont plutôt de l'artisanat et ceux qui sont dans le travail en usine. Amélie Meff. Oui, d'ailleurs, avec cette séduction de l'électorat ouvrier, on voit qu'il y a un débat, vous parlez d'un débat qui a été organisé entre Stoléru et Robert Ballanger, député maire communiste de Aulnay-sous-Bois. C'est justement, alors pour que les choses soient très claires, quoi, ils s'affrontent, quoi. Alors, le principe, c'est justement que Stoléru cherche à avoir des opposants et faire exister cette politique. Et ses conseillers l'amènent à organiser une émission contre Ballanger, qui est effectivement responsable communiste. et qui, pour le coup, lui, utilise des rhétoriques classiques de défense de la classe ouvrière, et qui dit à Stolyru, mais pourquoi vous faites des visites en usine? Il suffirait de parler une demi-heure avec un représentant de la CGT. Et face à cette vision de la représentation des mondes ouvriers à travers le syndicalisme ou le parti, en permanence, Stolyru renvoie à des figures individuelles. Et il parle du plâtrier qu'il a croisé une fois dans une visite et qui, finalement, ne dit pas qu'il est plâtrier quand il va au bal, parce que s'il dit qu'il est plâtrier, on va pas vouloir danser avec lui, etc. Et donc, à chaque fois, les figures mobilisées... C'est ce que vous appelez le plâtrier danseur stigmatisé. Voilà. Les figures mobilisées par Stolyru, et même les affiches, on dirait des campagnes de prévention pour la santé, etc. On montre des ouvriers avec en couple ou dans la vie, etc. en disant, c'est fini de stigmatiser l'ouvrier. Et donc, les figures ouvrières qui sont portées par ces campagnes sont souvent des figures individuelles, en fait. Et surtout pas en lutte, elles sont des figures de personnes individuelles qu'il faut promouvoir dans leur vie privée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le député communiste Robert Ballanger qui est chiffonné par cette captation, pourrait-on dire, de l'ouvrier par la droite au pouvoir à ce moment-là. Quelqu'un comme Michel Rocard donc, parle du travail manuel le 15 octobre 1975. Michel Rocard, si vous étiez au gouvernement, aux affaires, est-ce que vous feriez quelque chose pour révaloriser le travail manuel? Oui, bien entendu, mais je suis pas sûr que ce soit comme ça que le problème se pose. Le problème vrai qui se pose, c'est de refuser même la coupure entre les deux. C'est qu'au travers de leur vie, les hommes aient l'occasion de faire un peu des deux, et surtout que dans l'organisation des tâches dans notre société, il n'y a pas cet émiettement du travail qui le rend abrutissant pour certains et exclusivement enrichissant pour une petite couche limitativement définie. Ce qu'il faut au contraire, c'est repenser l'organisation même de notre société, pas seulement au plan politique, mais au plan de l'organisation de la production. Qu'il y ait une possibilité de créer à travers l'organisation du travail de chacun. C'est en effet un des objectifs du combat socialiste que de revenir sur cette division du travail qui nous paraît un des éléments principaux de l'ennui profond que secrète notre société pour ceux qui y vivent. Alors voilà, il pourrait presque s'entendre, on entend Michel Rocard dire il faut couper, il faut lever la barrière entre travail manuel et les autres types de métiers, Sylvain Laurence. Oui, il y a une espèce de convergence là qui se dessine, mais c'est aussi une course contre la montre entre d'un côté les Giscardiens qui sont une forme de libéralisme et une tentée de réformisme social, et de l'autre côté cette frange on va dire autogestionnaire passée par le PSU mais qui est en train de rejoindre le Parti socialiste et qui elle aussi porte un discours sur l'autonomie de l'ouvrier. Et là il y a un point de convergence, par exemple les deux seraient d'accord sur l'idée que un ouvrier pourrait aller choisir la machine qui va être finalement achetée par l'entreprise et mise sur la chaîne de production, qu'il pourrait y avoir une forme d'autonomie, qu'on pourrait ajouter des cabines téléphoniques pour que les ouvriers puissent téléphoner. Donc ça, on le voit bien, notamment dans le livre « Résister à la chaîne » où Christian Courrouge répond à Michel Pialou et on voit une perception depuis la chaîne de production de ce que sont les campagnes Stolyru. Et Courrouge dit que finalement, c'était pas forcément négatif en fait, de pouvoir téléphoner. Alors après, c'est en pratique, c'est pas forcément réalisable, mais qu'il y avait cette idée que d'un côté le réformisme, on va dire, libéral arrive à capter un air du temps, quelque chose qui était dans l'air de 68 aussi, des aspirations ouvrières, et essaye de les mettre, de les intégrer, de les digérer dans un programme qui reste un programme libéral sur le plan économique. Avec tout de même beaucoup de campagnes de communication, vous l'avez dit, donc ces campagnes qui disent avec un sidérurgiste qui lève son casque et son masque et qui regarde l'objectif du photographe, celui qui donne le meilleur de lui-même a droit à une part équitable, lui aussi maintenant priorité au travail manuel, c'était en 1975, mais aussi un sondage de la Sofres. On commande un sondage pour savoir quelles sont les populations cibles de valorisation justement des métiers manuels. Donc on est vraiment dans une politique qui prend en compte tous les moyens de communication du milieu des années 70, Sylvain Laurence. Oui, et qui pense aussi compenser à travers les médias la faible implantation du point de vue syndical et du point de vue politique. Donc là aussi, on a une forme de modernité un petit peu politique sur le mandat giscardien, où on pense qu'à travers un message bien ciblé, bien qui vise des catégories d'électeurs, on va pouvoir renverser la tendance. Alors là aussi, les effets sont peut-être plus modestes que les ambitions affichées était forte au départ, mais les résultats sont assez modestes. Et je pense que il y aurait tout un travail à faire de voir quelles ont été véritablement après la mémoire de cela du côté ouvrier, parce que on est en 76-77 et après arrive 80, donc on ne peut pas dire non plus que ce soit des stratégies qui ont été gagnantes du point de vue des Giscardiens. Surtout que la crise de la sidérurgie c'est 79, et donc on est vraiment à une ou deux années de la désindustrialisation massive de certains secteurs. secteurs de l'économie, en particulier les mines et la métallurgie. Amélie Meffre. Oui, mais en même temps, ces visites dans les usines, elles sont donc très médiatisées, notamment par la télé, par la radio. Mais on voit aussi qu'il rencontre Stoléru et ses conseillers, il rencontre les responsables patronaux et syndicaux en faisant quelques propositions, avec des mesures, par exemple, comme la suppression des primes de rendement. Donc on essaye quand même de valoriser ces métiers. Je veux dire, avec l'aménagement du travail de nuit, enfin... C'est pas juste une vitrine. Non, il y a des formes d'accompagnement. Alors, il est que secrétaire d'État, entre guillemets, donc il doit toujours composer avec la ministre du Travail qui est derrière, et aussi composer avec le patronat. Si on retrouve dans les archives, par contre, effectivement, des lettres de la CGPME, donc la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, qui s'alarme... beaucoup la question de la revalorisation salariale, tout de même. Voilà, et qui s'alarme du fait que ces mesures commencent à avoir... à sembler comme quelque chose qui ressemblerait à un programme de gauche. Donc, on voit quand même que du côté patronal, on commence à avoir des craintes autour de ce qui est proposé par ce lieu Stoléru. En revanche, ça reste quand même des choses qui sont toujours dans l'idée d'échelle de salaire. C'est-à-dire, en gros, on veut faire en sorte que les ouvriers puissent faire des carrières entières à l'intérieur du monde de la production et qu'à un moment donné, ils ne rencontrent pas de plafond de verre qui font qu'ils seraient obligés de basculer dans le chef d'équipe. Donc, par exemple, l'exemple que donne Stoléru, c'est de dire on a un bon contremaître, mais il va finir par aller dans un bureau et faire des plannings et finalement, il ne sera plus sur la chaîne de production et ça, on n'en veut pas. On ne veut pas que des gens, finalement, continuer leur carrière, sont obligés de devenir député communiste, il dit même à un moment. Donc, il y a l'idée de dire qu'on peut avoir une mobilité sociale à l'intérieur du monde ouvrier, mais pour ça, il faut revaloriser les franges hautes de salaire des mondes ouvriers. Oui, changer donc la grille de salaire en l'occurrence. Stéphane Lambret, vous vouliez réagir justement à ce moment particulier des années 70? Oui, deux remarques. La première, c'est quand même dans cette campagne de revalorisation, elle est très très centrée sur l'ouvrier industriel et masculin. C'est-à-dire que les femmes, qui pourtant sont quand même très très présentes dans ces métiers industriels, y compris dans du travail manuel, apparaissent quand même très très peu dans cette campagne, ce qui dit plein de choses, hein, des représentations à l'œuvre. La deuxième remarque, c'est plutôt sur le contexte scolaire, parce qu'en fait, cette campagne, elle intervient quelques mois après la loi Habit du 11 juillet 1975, on a retenu qu'elle crée le collège unique. L'ambition initiale, qui s'est pas traduite dans la loi, était quand même beaucoup plus vaste sur une réorganisation du système éducatif. Mais très concrètement, finalement, cette réforme Habit va profiter de la vaste campagne idéologique de revalorisation du travail manuel pour instituer une éducation manuelle et technique. Alors, c'est encore une nouvelle génération de ces travaux manuels nés à la fin du 19e siècle. Hein. En collège, on va introduire cette éducation manuelle et technique pour tous les élèves, de la 6e à la 3e. Et on oublie peut-être trop souvent que cette éducation manuelle et technique, et en tout cas ces travaux manuels au collège, dure jusqu'en 1985. Ouais, moi-même, j'ai beaucoup souffert sur certains des exercices qui étaient faits par mon professeur de technologie de travaux manuels. En l'occurrence, je me souviens très bien de ces années 70 qui voient effectivement cette valorisation dans tous les sens. On parle tout de même aussi, Sylvain Laurence, la question des accidents du travail. On fait une loi qui tente de prévenir les accidents du travail. On met en place la retraite à 60 ans pour les métiers pénibles. Tout cela, ça fait partie d'une sorte de PAC, on dirait aujourd'hui, autour de la question des métiers manuels, Sylvain Laurence. Oui, alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là aussi, sur le sens à donner à ces mesures, il y a une divergence entre la gauche et la droite. Il y a ce débat incroyable entre Léonès Stoléru et Jean-Pierre Chevènement, qui à l'époque est donc la CERES, donc la branche plutôt gauche du Parti Socialiste, et qui dit non, en fait, oui, vous venez de donner la retraite à 55 ans aux souffleurs de verre, mais c'est eux qui l'ont gagné par leur propre lutte, et ça fait des années qu'ils le réclament. Et donc, c'est vrai aussi qu'on arrive à un moment de maturité de certaines revendications ouvrières que le giscardisme va savoir capter et en partie accepter. Et donc, il y a tout ce travail. Donc, il faut relire quand même le travail de Xavier Vignat aussi sur l'insubordination ouvrière. Sûr. On voit bien qu'en fait, on est dans un moment d'après 68 où il faut aussi quand même acheter une forme de paix sociale. Et donc, certaines revendications qui apparaissent légitimes vont être captées et réinscrites dans ce processus-là, ce qui donne le sentiment effectivement que le pouvoir finalement est beaucoup plus sensible à la condition ouvrière. Mais on va dire, faut pas perdre de vue que ces revendications, elles sont portées depuis des années souvent par les mondes syndicaux et par les mondes ouvriers. Et donc, on va écouter tout de suite une archive de Lionel Stoléru. Nous sommes le 26 mars 1976 et il passe au journal de TF1 à 13h. En Alsace, fin de la première expérience de décentralisation gouvernementale en province. Pendant une semaine, Lionel Soleru, secrétaire d'État chargé à la condition des travailleurs manuels, a essayé de voir sur place comment pouvait être appliquée la réforme du travail manuel en visitant notamment une entreprise horlogère de la région de Colmar. Un reportage de Jacques Lenoir. Lionel Stoléru est donc allé sur le terrain. Il a visité les ateliers de cette usine alsacienne, discuté avec les ouvriers, déjeuné à la cantine. Il a pris des notes, posé beaucoup de questions, notamment à propos des salaires et des conditions de travail. Deux domaines prioritaires dans la réforme qu'il entreprend, la revalorisation du travail manuel. Et il a aussi proposé la suppression, dans cette entreprise seulement et à titre d'essai, de la prime de rendement. Cette visite toutefois a laissé assez sceptiques ceux qui l'ont reçue. Maintenant, il y a une chose, si M. Soleru voulait vraiment s'occuper des problèmes de l'usine, il serait venu ici, incognito, passer 2-3 jours et vraiment discuter avec les gens de l'usine et voir comment ça se passe exactement et pas faire toute cette publicité qui s'attache autour. Voilà. À votre avis, pourquoi M. Soleru a-t-il choisi de visiter votre usine ? Je ne sais pas, j'aurais été à sa place, j'aurais probablement choisi une usine comme ça. C'est une usine qui est agréable, qui est bien située, qui est dans la verdure. En plus, qui n'a pas eu beaucoup de problèmes, qui n'a presque jamais eu de problèmes. Des grèves, de temps en temps ? Par ma connaissance. Voilà. On va dans des secteurs, par exemple, où la CGT est faible, en l'occurrence. On ne va pas aller s'amuser d'aller dans des grandes forteresses ouvrières, oui, comme alors... chez Renault ou chez Simca ou ailleurs. Effectivement, on voit bien dans les archives qu'il y a tout un travail de sélection. On va plutôt aller dialoguer dans des usines où le syndicalisme type CFTC est assez présent, où il y a peu de grèves, etc. Et donc, il y a tout un travail de filtre hein, fait par les conseillers. Ces conseillers, il y avait Jean-Pierre Raffarin, je crois. Oui, alors Jean-Pierre Raffarin qui est en charge de la communication. Donc avant cela, il est chez Jacques Vabre et puis il bascule de ce côté-là. Et puis il y a aussi notre attaché de presse. Un jeune giscardien à l'époque. Voilà. Et il y a aussi une attaché de presse qui s'appelle Dominique Maire qui avait travaillé auparavant pour des revues de formation professionnelle et qui se retrouve là aussi à gérer des communications de crise incroyables après pendant les lois du retour sous Stoléru. Et donc effectivement, même en termes de cabinet, on voit bien que c'est très orienté communication. C'est-à-dire, il y a pas mal de gens dans le staff qui sont orientés de ce côté-là. Et on peut dire tout de même qu'une des questions, c'est la façon dont on va pointer les responsabilités sur cette dévalorisation du travail manuel. C'est-à-dire que il y a une réponse de gauche, une réponse de droite. Qui est responsable ? Est-ce que ce sont les patrons ? Ça serait plutôt la réponse de gauche. Est-ce que ce sont les professeurs, les instituteurs, les responsables syndicaux qui n'ont pas fait leur boulot ? Et on voit bien que là, il y a la réponse de Lionel Stoléru et de son cabinet qui est assez claire. Oui, Lionel Stoléru, à travers cette politique-là, il peut aussi taper sur un électorat qui est un peu le noyau central du Parti Socialiste et du Parti Communiste à l'époque, qui sont effectivement les enseignants. Et notamment, il a ce discours au journal télévisé de l'Antenne 2 en 1980, et il dit « Nous demandons aux enseignants, tout d'abord, qu'ils réapprennent la noblesse du travail manuel, au lieu d'avoir tendance quelquefois à le déconsidérer, en disant à un gosse, si tu n'apprends pas ta leçon de latin, tu finiras un apprentissage. » Et donc là, il y a vraiment l'idée que l'école, et à l'intérieur de l'école, les enseignants, sont quelque part à reformer, à rééduquer, et qu'ils arrêtent de transmettre une espèce de culture légitime qui serait quelque part inhibante pour les élèves issus de milieux populaires ou autres. Donc là, il y a une forme de réécriture un petit peu aussi de l'histoire. C'est-à-dire, en fait, quand on lit les travaux de Claude Grignon, par exemple, sur l'apprentissage technique, ce que nous raconte bien Claude Grignon, c'est que la division entre intellectuel et manuel, elle est très ancienne et elle renvoie quasiment à la division entre l'homme de culture, l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas. Et en fait, c'est une façon de légitimer des rapports de rapports de classe, etc. Et que donc, quand on revalorise le travail manuel, finalement, on ne fait que, Grignon écrit, il dit, c'est définir une bonne manière de se tenir du mauvais côté. Donc là, on ne va pas remettre en cause l'existence d'une division entre intellectuel et manuel, on va juste dire, arrêtez de dire que le manuel, c'est pas bien. Mais à l'intérieur d'un système qui fabrique et produit finalement des divisions et valorise quand même une culture légitime. Stéphane Lambray. Et cela croise la relance de l'apprentissage à partir de 1971, hein, qui est une des lois du 16 juillet 71 voulu par Jacques Delors en particulier, qui va aussi essayer d'insister sur cette question, même si ça va tarder un petit peu à se mettre en place, mais c'est relancé à nouveau en 77, donc on est exactement dans la même chronologie, hein, cette relance de l'apprentissage, elle croise complètement cette politique de revalorisation du travail manuel, même si c'est pas toujours du travail manuel pour les apprentis. Amélie Meff. Mais je voudrais revenir au printemps 77 parce que ça se corse, si j'ose dire. On revalorise toujours le travail manuel, mais on fait de plus en plus, on parle de plus en plus de la politique d'immigration. Et comment Comment réagissent les conseillers de Stoléru? Parce que ils sont pas un peu surpris d'avoir aussi à prendre en charge cette question? Alors, Sylvain Laurence. Quand on les rencontre ou qu'on lit les archives, ce qu'on a l'impression effectivement, c'est qu'ils avaient réussi à trouver un équilibre quand ils ne géraient que le travail manuel. Et alors, le fait que les deux soient gérés par la même équipe crée en permanence une espèce de discours qui oblige à vraiment à lier formellement en permanence la question de la revalorisation du travail manuel et la question migratoire. Il y en a même une qui dit que ça leur est tombé dessus comme une maladie de devoir gérer comme ça les deux dossiers de front. Néanmoins, ça permet aussi de maintenir l'intérêt public sur cette question du travail manuel. C'est-à-dire, en fait, à travers la question de l'immigration, il y a vraiment, véritablement, un argument électoral et un argument politique qui peut être en permanence réactivé. Car là, on connecte la question des métiers, de la division du travail, avec celle de la défense d'un intérêt français, d'un intérêt national, etc. Et ça, c'est un thème qui, du point de vue électoral, est très porteur, surtout dans un cadre où il y a finalement une rupture à droite. Chirac s'en va, fonde le RPR, etc. Et donc là, Giscard d'Estaing se trouve menacé, et la question de l'immigration va devenir un des outils, un des points de clivage principaux et sur lequel le giscardisme ne peut pas être pris en défaut. Donc du coup, il y a toute cette montée-là, effectivement, d'un discours sur l'immigration qui est très poussé, avec y compris des unes de journaux où, en gros, maintenant, Stoléru, on le voit en photo, vraiment en expansion, il y a un article où on le voit en photo avec un titre « Des travailleurs français remplacent les travailleurs immigrés », où là, véritablement, la finalité de la politique est quelque part assumée. Il faut se souvenir aussi que c'est la période, si je me souviens bien, où le Parti communiste lui-même va commencer à changer de position sur ces questions-là, et peut-être avec le bulldozer de Vitry et deux ou trois autres moments de la fin des années 70, jouer aussi de cette concurrence possible entre travailleurs français et travailleurs étrangers, en l'occurrence. Oui, c'est, vous avez raison de le rappeler, c'est-à-dire que là aussi, c'est pour Stoléru, c'est le moyen de prendre quelque part en défaut le Parti communiste en disant « Vous nous accusez d'être racistes en faisant les lois du retour, mais vous, vous utilisez le bulldozer à des fins électoralistes à Vitry et les centrales syndicales, quelle est votre position sur l'arrêt de l'immigration? Vous avez été pour pendant des années, etc. » Donc là, il y a une forme de façon d'aller se positionner, y compris sur le terrain de la défense des mondes ouvriers, sur cette question du rapport entre national et étranger. Mais faut voir quand même une chose aussi, c'est que dans les projets Stoléru, il y a une partie des projets qui viennent de la présidence, en fait, de l'Élysée, et qui vont, plus on se rapproche de 80, être intenables du point de vue juridique. C'est-à-dire, en fait, Giscard, à partir du moment où il annonce le fait qu'il ne veut pas renouveler 450 000 certificats de résidence de 10 ans qui arrivent à expiration 78, et qui prétend renvoyer 450 000 travailleurs algériens en Algérie, là, ça devient intenable du point de vue diplomatique, et y compris le Stoléru va devoir se situer par rapport à ça. Donc, c'est aussi une politique qui va rencontrer des limites sur la fin du mandat de Giscard, car elle devient véritablement compliquée à tenir, et il est compliqué de continuer à faire la morale au Parti communiste, etc., quand vous avez ce type de politique promue à l'Assemblée. Stéphane Lambray, une des questions qu'on peut se poser, c'est, on a évoqué pendant toute cette heure les moments où on considère que le travail manuel est dévalorisé et les moments où on veut le revaloriser. Pourquoi ça recommence encore après ces affaires Stoléru, les années 70? Ça n'a pas cessé depuis. Et on peut dire que, par exemple, un des acteurs de cela, c'est justement un ancien du cabinet Stoléru, Jean-Pierre Raffarin, quand il a été Premier ministre, a voulu revaloriser le travail manuel. Il est intervenu à de nombreuses reprises en tant que parlementaire autour de ces questions-là. Pas simplement pour défendre la baguette tradition et la tradition française de la boulangerie, mais à de nombreuses reprises, il est revenu sur ces questions-là. Donc ça veut dire que il y a toujours cette vision d'un travail dévalorisé qu'il faudrait revaloriser? Oui, alors ça croise en fait plusieurs niveaux d'interprétation. L'une des explications, c'est les difficultés des réponses politiques face à ce qui est perçu comme une crise économique, évidemment, et qui persiste. C'est l'idée que c'est par la formation qu'on va réussir à surmonter cette crise, et notamment ce chômage des jeunes. Et le travail manuel, de ce point de vue-là, est paré d'un certain nombre de vertus. Si on prend des catégories de Bourdieu, une éthique du travail scrupuleux, voilà, impeccable, du soigné au fignolé, etc. Donc, un ouvrier qui est, disons, sérieux et qui ne casse pas l'outil de travail, qui ne parle pas comme les ludites de casser l'outil de travail, etc., etc. En fait, le bon travail, le concours de meilleurs ouvriers de France est toujours très révélateur là-dessus, c'est que le bon travail est une sorte de révélateur de qualité morale. Et on a toujours cette idée-là. D'ailleurs, à la fin des années 70, au moment où Jean-Pierre Raffarin rentre dans le cabinet de Stoléru, c'est son père, Jean Raffarin, qui préside le comité des expositions du travail. Donc, il y a aussi une réflexion là-dessus. Bon, Bon, on a plusieurs interprétations. Je pense pas qu'il faille interpréter seulement par l'économie ce discours qui revient toujours. On vient bien de le voir. Hein. Il y a aussi une volonté politique. Politique. Oui, sur ce point, Sylvain Laurence. Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'avait frappé, notamment après les émeutes. Quand Dominique de Villepin avait dit, on va revaloriser l'apprentissage. Ouais. Alors que parmi les interpellés, il y avait, je sais plus d'un quart déjà de gamins qui étaient en apprentissage. Donc il y a toujours cette idée, quand même, derrière, que le travail manuel pourrait être un outil de pacification sociale et qui permettrait, si on le revalorise, pour reprendre les mots de Grignon, d'obtenir la bourgeoisie mais sans le prolétariat, c'est-à-dire un monde ouvrier finalement bon qui se tient convenablement et qui est dur à la tâche. Donc voilà, donc c'est un peu ça aussi qui revient vers ce type de politique. Et quand on la voit portée dans des conjonctures comme celle de Stoléru ou plus récemment voilà comme de Villepin ou Raffarin, on voit que derrière il y a toujours cette idée de bon, si on délaisse trop les mondes ouvriers, ils pourraient potentiellement devenir révolutionnaires. Donc il faut quand même encadrer tout cela. Stéphane Lambray. Faire la liste des discours, des décisions, des mesures favorables à l'apprentissage de travail manuel serait interminable hein, depuis les années 80, la création du lycée professionnel en 85 est quand même liée un petit peu à cela, les lycées des métiers au début des années 2000, etc. On a en fait une accumulation de textes. Ce discours de comparaison avec l'Allemagne, voilà. Qui ne cesse pas depuis maintenant une vingtaine d'années, de dire voilà, au moins une vingtaine d'années, disant voilà, eux ils ont un système qui permet de valoriser les métiers manuels, contrairement à nous. Voilà, sans qu'on ait d'interrogation véritable sur la comparabilité, en réalité, est-ce qu'on compare vraiment les mêmes choses? On ne compare pas forcément des jeunes du même âge, qui font pas exactement le même type de formation. Alors il y a la comparaison avec l'Allemagne, il y a la comparaison avec la Suisse qui revient aussi assez régulièrement sur l'apprentissage. C'est exactement à chaque fois la même chose. C'est est-ce qu'on peut vraiment comparer des systèmes qui sont profondément différents en réalité dans leur organisation et notamment au niveau du système éducatif. Alors vous nous l'avez évoqué très brièvement tout à l'heure. Vous allez nous quitter Stéphane Lambray pour un colloque qui se tient à Lyon, c'est ça? Oui, exactement. Un colloque donc qui va se tenir autour des questions d'apprentissage, de formation et d'orientation professionnelle tout au long du XXe siècle. En raison justement de ce centenaire de la loi donc de 1919 que vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà, exactement. Une loi qui a finalement très largement orienté les réalisations en matière d'enseignement technique au XXe siècle et jusqu'à nos jours. Merci à vous, Stéphane Lambray. Merci à vous, Sylvain Laurence. Votre livre sur la politisation feutrée, les hauts fonctionnaires et l'immigration en France chez Belin était paru en 2009, si je me souviens bien, c'est ça. C'est cela, mais vous venez tout juste de publier un tout nouvel ouvrage, vous êtes sur un nouveau champ de recherche, pourrait-on dire, Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France, 1930-2005, c'est aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Je n'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais je vais le regarder. Il est sorti il y a 3 semaines de cela. Merci, Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France. Merci à Amélie Meff. Puis on a noté que en 1977, quand on veut valoriser le travail manuel, eh bien on valorise les meilleurs ouvriers de France, c'est celui de 1977, entre autres, c'est un typographe, vous parlerez de typographie et donc des typographes dans le documentaire de jeudi, c'est cela ? C'est ça. Voilà, et ces métiers effectivement très valorisés à une époque et peut-être moins valorisés aujourd'hui. Merci à tous. Surtout un métier qui a disparu. Qui a disparu, voilà. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Pascal Baudin nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC.